un cigare, s'il vous plaît. Je te dirais bien d'aller au diable, mais tu y es déjà, fils de lâche. Tu n'es qu'une imposture et je t'invite à niquer ta mère avant que mes types le fassent. Je ne me bats que pour la cause, je suis très porté sur la chose. Je crois que c'est cause, on trop forcé sur la dose. Car si votre cafou garanti et kawa, je ne viens que pour cause de drama et dawa. Fais pas zèrement, me demande pas si ça va. Je ne te connais ni d'Adama ni d'Awa. C'est l'été, je pousse les bravas. Concuniqué parce que la peau de l'ours elle pique ravin. C'est nous les tapeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les rappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les leurdis, c'est vous les acheteurs, c'est vous les craqueurs, c'est vous les acteurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les tapeurs, c'est nous les sapeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les leurdis, c'est vous les acheteurs, c'est vous les craqueurs, c'est vous les acteurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs. C'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs. Covid c'est qui régale, quand tu pleures c'est qui récale. J'entends ta raclée qui réclame, moi je suis en train de compter les cales. Je suis posé au corner dans caisse de capoté, le contact est coupé. J'ai manqué de papier, j'ai manqué de tout, oui mais jamais de toupé. C'est la rue qui influence la mode et le monde. Mon boulot c'est de créer un boire de le monstre. Dis à ce temps tu les démoires de se pendre. Christine Angot ferme ta gueule mais le 11. J'ai que ça à foutre moi de répondre aux vidéos bluff. Je remplis des salles de concert, vous remplissez même pas le cul de vos meufs. C'est nous les tapeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les leurdis, c'est vous les acheteurs, c'est vous les craqueurs, c'est vous les acteurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs. C'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs. C'est nous les tapeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les leurdis, c'est vous les acheteurs, c'est vous les craqueurs, c'est vous les acteurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs, c'est nous les trappeurs.